dois ces feuillets tout lien, déjà fragile comme une arête de cristal, et m'abandonner au désert que jadis tu parcourus. Pour toi j'aurais tissé des matins veillant tes nuits funestes. J'aurais bâti des exploits sans hache ni geste de dédain. Ce désamour fait partie de moi, la piqûre d'une épée qui guérit et cicatrise au bol d'un bonheur que tu oublies. Pourtant je sais que ne t'irrite mon amour, que tu as songé à changer. Tu apprendrais tant de la quiétude du Gange. Pourtant, je sais que ne t'irrite mon amour, que tu as songé à changer. Tu apprendrais tant de la quiétude du Gange. Pourtant je sais que ne t'irrite mon amour, que tu as songé.